Les rues de Paris par Bathilde Bougnol, lu par Christiane Johann, Molière. Oh, que m'ordonnes-tu, muse, pour cette fois? Je ne puis obéir, frissonnant à ta voix. Non, ne l'exige pas. Quoi, moi, qu'inexorable, j'exécute en bourreau cet arrêt implacable, et qu'au lieu de jeter un voile sur leur tort, j'ose porter la main sur la cendre des morts? Outrager un tombeau, mais c'est un sacrilège. Enfant, tu te souviens des leçons du collège? Est-il mort, celui-là, dont les écrits vivants charment tant de lecteurs, adorateurs fervents? Vit-il pas dans son œuvre, hélas, impérissable? Un si rare génie, il en est plus coupable. Mais, à son piédestal, ingrat portait ce coup, moi, parfois son disciple, et qui lui doit beaucoup. Ne dois-tu rien à Dieu? Vois-tu pas qu'il outrage, ce Molière, à plaisir l'honneur du mariage, le foyer domestique est par lui diffamé? Boileau, sage et prudent, pourtant la peut blâmer, et de tous ses dandins ne lui fit pas un crime. Notre illustre Boileau, que j'aime et que j'estime, le poète entre tous, grave, honnête, sensé, là, je le sais aussi, largement encensé, mais l'Horace français, tolérant casuiste, ne jugeait point toujours de l'art en moraliste, critique à l'œil de lynx et jamais endormi, mais voyant dans Molière un confrère, un ami, le vieux Boileau gardait pour les sots ses férules, prompt à les quereller pour de simples virgules, s'il me faut te le dire enfin, quoique tout bas, Boileau fit plus d'un vers que je n'approuve pas. Muse, tu me fais peur, terriblement sévère. Pour ce que j'aime, enfant, je dois être sincère, car leur gloire est la mienne, et si, malgré ma loi, ils viennent à faillir, s'en prend-on pas à moi? Va, tu ne peux savoir combien certaines pages, que dis-je, quelques vers, ont causé de ravages. Tremble, jeune homme, tremble, orgueilleux de ton lot. Souvent, pour perdre une âme, il a suffi d'un mot. Ah, notre art, sais-tu bien, n'est pas un jeu frivole. Il est trop vrai. Moi-même, une simple parole, je l'éprouve. Un seul mot, un mot dit au hasard, quelquefois pour le cœur semble un coup de poignard. Et tu peux t'étonner si j'accuse Molière. Hélas! Et si devant cette ombre familière, je veux qu'en t'inclinant, sévère et solennel, tu ne l'excuses pas quand il fut criminel, et fût-ce avec douleur qu'en juge incorruptible, malgré son art savant, suprême, irrésistible, tu saches le blâmer? Moi, qu'à ce géant, j'ose bien m'attaquer, oubliant mon néant. Souviens-toi de David, mais enfant, je t'écoute, quand j'ai droit d'ordonner. Va, moi-même, il m'en coûte, et c'est avec chagrin que, préférant me taire, je dois forcer ma bouche à ce langage austère, car ce poète aussi m'est cher. Mais quoi, doté si richement par moi, comment en effronter de mots qui font rougir, vint-il souiller la scène, en immortalisant maintes pensées obscènes? Les plus honnêtes gens en parlent chapeau bas. Le préjugé l'absout, je ne l'absoudrai pas. Merveilleux enchanteur, mais terrible génie! Ah, dans le cœur gardant sa mémoire bénie, l'innocence rit-elle à son fier piédestal. Et quel bien a-t-il fait, lui, qui fit trop de mal? Quel est le malheureux, faible et tenté qui lutte, et dont sa noble voix est empêchée la chute? L'adolescent naïf, mais déjà combattu, en reçoit-il la force, appui de la vertu? Demande-moi plutôt, hélas faut-il le dire, et que la vérité ressemble à la satire, demande-moi plutôt combien de jeunes cœurs, hélas, se sont flétris à ces accents moqueurs. Combien, en l'écoutant d'une âme encore paisible, sentent gronder en eux un orage terrible? Que d'Agnès a séduit la voix de l'histrion, et que d'époux trompés, grâce à l'amphitryon? Pour l'écrivain coupable, est-il assez de blâme, enfant, pour celui-là, le meurtrier des âmes, et qui, crime sans nom, irréparable tort, en se jouant, les voue à l'éternelle mort? Puis, encore, ce divorce éternel qui divise, un bon juge l'a dit, le théâtre et l'église, Molière l'a voulu, lui, cet homme de bien qui donne à l'hypocrite un masque de chrétien. Ce fut erreur, sans doute, et non malice noire. Il le dit assez haut pour qu'on doive le croire. Mais, gaudisseur sans frein de sa morale, hélas, scandale du lecteur, il ne s'excuse pas. Faut-il qu'on applaudisse au crime du génie? Mais c'est lui qui surtout voue à l'ignominie le théâtre souillé par d'illustres excès. Et son fatal exemple, absous par le succès, à tous ses successeurs semble frayer la route. À ta tâche tu fis, Molière, banqueroute. Tu pouvais épurer le théâtre naissant, tu le pouvais, toi seul, magicien puissant. Quand il se débattait encore dans ses langes, ô maître, tu pouvais en secouer les fanges. Et le public, sans doute, eût écouté ta voix, si loin de le flatter comme tu fis des rois, pour ses vices chéris, ses coupables faiblesses, tu n'avais jamais eu de ses lâches tendresses. Si ton art sérieux, dans ses libres façons, n'eût pas craint de donner de ses vers leçons, mieux instruit le public en te laissant ta place, aurait voulu toujours qu'on marchât sur ta trace. Le théâtre plus pur en serait-il moins grand? Qu'il cesse d'étaler ce mensonge flagrant du frontispice ancien qu'il appelle une école. C'est le temple plutôt du vice, infâme idole, le foyer de la peste et des corruptions que doivent foudroyer nos malédictions. Fin de Molière par Bathilde Bougnolle.